France Musique. Merci Elsa Boublil, passez un très bon dimanche et à la semaine prochaine. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. La 42e rue de France Musique pose ses bagages pendant un mois à Broadway. Ce fut une saison de haute volée. 13 millions de spectateurs, 1,5 milliard de dollars de box-office et surtout une saison de création. 13 nouvelles comédies musicales originales ont vu le jour cette saison. Énormément de belles choses. Ce soir, la saison se refermera par la traditionnelle cérémonie des Tony Awards, les Oscars du théâtre. Ce matin, je vous propose de passer musicalement en revue ce qui s'est passé cette saison. En compagnie en duplex de New York, de la critique du New York Times, du New Yorker et du Village Voice, Elisabeth Vincentelli. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Avec aussi beaucoup de musique et d'airs que vous ne connaissez pas et d'autres que vous reconnaîtrez. Des airs que vous ne connaissez pas ce matin, par exemple, un extrait de cette très belle comédie musicale qui raconte l'histoire de deux formidables femmes chefs d'entreprise dans les années 30 qui ont tout simplement inventé la cosmétique. Elisabeth Arden, Elena Rubinstein. La comédie musicale s'intitule War Paint. Is that all I'm worth to them? A color? Pink. Is that my only claim to fame? Pink, my shot at permanent acclaim. Pink, my legend branded with a rose, immortalized in poesy. Pink, on Mamie Eisenhower's lips. On Mrs. Astor's roots and tips, pink. The box is packaged with a bow that cost more than the notion. Pink, that flush of ardor in a man's embrace, my would-be baby. Perished for a nursery, converted to a guest room, dressed in pink, with an enormous princess bed, pink, the cherubs painted overhead in pink, coral pink, The undersigned hereby agrees to license her likeness and trademark color. My furniture, my document to sign in pink ink, fuchsia pink, Persian pink, peachy pink, mocha pink, timeless pink, story pink, fabled pink, glory pink, label pink, Arden pink. Never even liked the color. You who I cradled in my arms, you asking as little as you can. Little snip of a little man. I know I'd give my life for you. You didn't ask me to be born. Why should you learn of war or pain? To make sure you're not hurt again. I swear I'd give my life for you. I've tasted love beyond all fear. You should know it's love that brought you here. And in one perfect night, when the stars burned like new, I knew what I must do. I'll give you 1,000,000 things I'll never own. I'll give you a world to conquer when you're grown. You will be who you want to be. You can choose whatever heaven grants, as long as you can have your chance. I swear I'd give my life for you. Some nights I wake up reaching for him. I feel his shadow brush my head, but it's just moonlight on my bed. Was he a ghost? Was he a lie that made my body laugh and cry? Then by my side, the proof I see, his little one, God's of the sun. Who you want to be. Elles sont toutes deux nommées pour le trophée de la meilleure actrice de la saison à Broadway ce soir. Eva Noblezada dans la reprise de Miss Saigon de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil. Une comédie musicale célèbre pour son hélicoptère sur scène, une comédie musicale inspirée de Madame Butterfly de Puccini et resituée durant la guerre du Vietnam dans les années 70 par les auteurs des Misérables. Une comédie musicale de retour à Broadway cette saison, 20 ans après sa création. Et puis pour débuter cette 42e rue, Christine Ebersol, Pink, c'est dans une magnifique comédie musicale audacieuse intitulée War Paint, on pourrait traduire la guerre des cosméticiennes, le duel à distance entre deux femmes chefs d'entreprise dans les années 30 qui invente la cosmétique. Christine Ebersol, qu'on entendait, incarne Elizabeth Arden, et Patti LuPone, Elena Rubinstein, une musique composée par Scott Frankel. Elisabeth Vincentelli, vous êtes en duplex à New York, dans les studios de la Radio Foundation. Comment vous qualifieriez cette saison de comédie musicale à Broadway ? C'était une saison très, très fertile. Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de nouveaux spectacles, d'excellentes reprises. C'est complètement différent de ce qu'il y a pu y avoir l'année de Hamilton, quand Hamilton avait tout raflé, il n'y avait absolument aucune compétition. Cette année, il y a un vrai suspense, il y a beaucoup de spectacles qui sont très, très différents les uns des autres. Ça reflète une certaine santé de la comédie musicale sur Broadway, c'est assez excitant dans ce sens-là. Est-ce que War Paint, dont on a entendu un extrait pour ouvrir cette émission, vous a autant enthousiasmé que moi ? Pas autant, non, je dois dire. Je trouvais que c'est une idée, c'est une fausse bonne idée en fait. Ouais. Parce qu'on se dit bien sûr, les deux grands, les titans des produits de beauté dans ce spectacle, c'est génial. En plus, Christine Ebersol, Patti LuPone, pareil, ce sont deux titans de la comédie musicale. Mais le problème du spectacle, c'est qu'elles ne se rencontrent jamais. Dans la vie, elles étaient rivales, mais elles ne se sont jamais rencontrées. Donc, elles se croisent tout le temps sur scène, mais il n'y a aucune confrontation, elles ne se parlent pas. Elles se rencontrent une fois à la fin, et moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyablement frustrant d'attendre. Ça sape complètement la dynamique du spectacle. Les deux sont très bien, séparément, mais pour moi, ça n'a pas du tout marché à cause de ça, justement. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Alors, l'un des deux grands favoris ce soir, à la cérémonie des Tony Awards, les Oscars du théâtre américain, c'est une comédie musicale dont nous avions parlé ensemble, Elisabeth, la saison dernière, parce qu'elle venait juste d'ouvrir, comme on dit, off-Broadway dans un petit théâtre. Ça s'appelle Dear Evan Hansen. Evan Hansen, c'est un lycéen, limite autiste, renfermé sur les réseaux sociaux, qui se prend les pieds dans un mensonge qu'il fabrique après la mort d'un autre collégien. C'est écrit par un duo de Wonder Boys, comme on peut dire, Justin Paul, Bench Pasek, qu'on connaît en France parce qu'ils ont écrit les paroles des chansons de La La Land et qui sont connues aussi parce qu'aujourd'hui ils écrivent les chansons du prochain film de Hugh Jackman, une comédie musicale. Pourquoi il y a cette effervescence autour de Dear Evan Hansen, Elisabeth ? Et qu'est-ce que c'est d'abord ? Ça ressemble à quoi ? C'est le rare spectacle qui touche, qui capture vraiment bien les années lycée qui, comme on le sait, sont très très importantes aux États-Unis. Il y a un nombre incroyable de films qui se passent dans les lycées. Mais jusqu'ici, ça n'avait pas vraiment marché au théâtre parce que souvent les acteurs sont trop vieux. Enfin, on se souvient de comédies musicales comme Grease où ils ont tous l'air d'avoir, les lycéens ont l'air d'avoir 35 ans, donc ça fonctionnait pas très bien. Alors que là, le spectacle touche vraiment à cette mentalité, cet état d'esprit qu'on a quand on est, bon, là ça se passe dans leur dernière année, donc l'équivalent de la terminale. Et, ça capture ça vraiment bien. Ça capture aussi très bien l'influence souvent néfaste des réseaux sociaux, quand un mensonge fait boule de neige et devient complètement hors de contrôle. Et ça capture aussi bien une certaine lutte de classe d'ailleurs, puisque Evan Hansen, le personnage principal, est beaucoup plus pauvre que les autres personnages du spectacle. Donc ça crée une friction entre les deux qui est décrite de manière intéressante. Et surtout, le personnage principal, donc Evan Hansen, est joué par Ben Platt, qui a 23 ans et un visage et un corps assez juvénile. Donc il passe très bien, comprend très bien qu'il pourrait avoir 17-18 ans. Donc le spectacle fonctionne vraiment de manière magnifique. Il est très bien écrit, que ce soit le livret ou la partition. Moi, je l'ai revu très récemment, il y a 10 jours, et malheureusement, Ben Platt commence à se laisser aller, un peu aller avec des tics. Je pense que le metteur en scène doit revenir et contrôler un peu ça. Mais c'est une voix nouvelle qu'on entend sur Broadway et qui touche beaucoup de gens, et on entend les gens pleurer pendant le spectacle. Le contenu émotionnel est assez fort. On écoute une des chansons les plus dynamiques peut-être de ce spectacle, c'est l'écriture à plusieurs mains justement d'un faux email par Evan et par des amis. Une chanson intitulée « Since Alemi ». Dear Evan Hansen, we've been way too out of touch. Things have been crazy and it sucks that we don't talk that much. But I should tell you that I think of you each night. I rub my nipples and start moaning with delight. Why would you write that? I'm just trying to tell the truth. This needs to be perfect. These emails have to prove that we were actually friends. Just, I'll do it. I gotta tell you, life without ya has been hard. Hard. Has been bad. Bad. Has been rough. Kinky. And I miss talking about life and other stuff. Very specific. Shut up. I like my parents. Who says that? I love my parents, but each day's another fight. If I stop smoking drugs, then everything might be alright. Smoking drugs. Just fix it! If I stop smoking crack. Crack? If I stop smoking pot, then everything might be alright. I'll take your advice. I'll try to be more nice. I'll turn it around. Wait and see. Cause all that it takes is a little reinvention. It's easy to change if you give it your attention. All you gotta do is just believe you can be who you wanna be. Sincerely me. Are we done yet? Well, I can't just give them one email. I wanna show that I was, like, a good friend, you know? Oh my god. Dear Connor Murphy, yes, I also miss our talks. Stop doing drugs, just try to take deep breaths and go on walks. No. I'm sending pictures of the most amazing trees. No. You'll be obsessed with all my forest expertise. Absolutely not. Dude, I'm proud of you. Just keep pushing through. You're turning around, I can see. Just wait and see. All that it takes is a little reinvention. It's easy to change if you give it your attention. All you gotta do is just believe you can be who you wanna be. Sincerely me. My sister's hot. What the hell? My bad. Dear Evan Hansen, thanks for every note you send. Dear Connor Murphy, I'm just glad to be your friend. Our friendship goes beyond your average kind of bond. But not because we're gay. No, not because we're gay. We're close, but not that way. The only man that I love is my dad. Well, anyway. You're getting better every day. I'm getting better every day. Keep getting better every day. Hey, hey, hey, hey. Cause all that it takes is a little reinvention. It's easy to change if you give it your attention. All you gotta do is just believe you can be who you wanna be. Sincerely miss you dearly. Sincerely me. Sincerely me. Sincerely me. Sincerely me. Autre découverte à New York après une création à Londres, Un jour sans fin, le fameux film désopilant de Harold Ramis, on se rappelle de Bill Murray, dans le rôle du présentateur de météo antipathique qui vit sans fin le même jour de la marmotte. Eh bien, Un jour sans fin est devenu une comédie musicale cette saison. C'est Andy Karl qui reprend avec dextérité ce rôle. La musique est signée Tim Minchin, à qui on doit déjà l'adaptation en comédie musicale de Mathilda, le roman pour les jeunes de Roald Dahl. Et à un instant, c'était un moment particulièrement éprouvant à la fin pour l'acteur principal, puisque voilà, à force de revivre de jour en jour le même jour et de se perfectionner de jour en jour dans la vie, il en vient à faire le bien autour de lui, il en vient à vivre parfaitement cette journée. Et là, à un moment, le voilà en train de danser un numéro de claquette avec une marmotte géante. On se rappelle que ce film se déroule éternellement le jour de la marmotte, un numéro qui s'intitulait Philanthropie. Ça ressemble à quoi, Elisabeth Vincentelli, qui est en duplex de New York dans les studios de la Radio Foundation, vous qui êtes critique au New York Times et à Village of the Voice, ça ressemble à quoi cette adaptation de Un jour sans fin en comédie musicale? Bien, j'ai trouvé ça très inventif. Bien sûr, le défi de Un jour sans fin, c'est qu'une bonne partie du film et du spectacle répète la même chose sans arrêt. Donc il faut arriver à montrer ça sur scène, montrer la répétition sans être répétitif, ce qui est un vrai défi qu'ils ont relevé d'une manière assez flamboyante que moi j'ai beaucoup aimé. Bon, je crois que dans l'ensemble, ce n'est pas aussi bon que Mathilda. C'est d'ailleurs la même équipe, c'est le même metteur en scène, même chorégraphe, même décor, Tim Minchin qui a écrit la musique une fois de plus. Je crois que la partition n'est pas aussi bonne, pas aussi inventive que celle de Mathilda, mais enfin, elle est quand même très bien. Une performance incroyable de Andy Karl qui est très physique dans le rôle, qui est sur scène quasiment tout le temps pendant presque 3 heures, donc c'est un vrai marathon pour lui. Il est d'une drôlerie incroyable, sans doute un peu moins misanthrope que Bill Murray. Et il y a des petites choses qui... C'est pas parfait, parce qu'il y a quand même des petites choses qui ne fonctionnent pas. Ça traîne un petit peu, il y a des moments un petit peu lents où on a l'impression que ça s'embourbe un petit peu. Mais moi, j'ai aimé ça bien plus que beaucoup de mes collègues et qui l'ont trouvé assez moyen. J'ai trouvé que c'était une comédie très sophistiquée, très drôle. Ce qui est relativement rare quand même, c'est la comédie est difficile à faire. Et dans l'ensemble, c'était vraiment une de mes pièces favorites cette année. À des moments les plus drôles, c'est quand même quand une chanson entière où il passe son temps à se suicider. Et donc, il se suicide de tous les moyens possibles dans la baignoire en jetant un grille-pain ou avec un fusil. Et 30 secondes plus tard, il réapparaît ailleurs ou dans son lit d'ailleurs le lendemain. C'est assez fascinant à voir comme performance de la part de l'acteur Andy Karl. Est-ce qu'on peut en dire autant de l'adaptation en comédie musicale, j'allais dire mort-née, du fabuleux destin d'Amélie Poulain qui a déjà fermé il y a un mois d'ailleurs? Comment c'était cette adaptation? Ça a été vraiment très décevant. Je crois que ce qu'on peut dire du film, c'est qu'on l'aime ou pas, il y a une personnalité très distincte. Bon, on peut ne pas apprécier, je me souviens que le film avait créé une certaine polémique en France à l'époque, mais on ne peut pas nier qu'il y a une esthétique Jeunet et une personnalité qui sont vraiment là. Alors que sur scène, c'est exactement ça qui manquait. Philippe Assou, qui jouait le rôle d'Amélie Poulain, n'avait aucune personnalité, un charme pas très conséquent, ce qui est quand même un problème pour le personnage. Et surtout, je crois que le pire, c'est que la musique était une catastrophe industrielle, sans aucune élégance, aucune finesse. Toutes les chansons se ressemblaient. Bon, c'est un spectacle qu'on oublie. On l'oublie même pas après l'avoir vu, on l'oublie pendant qu'on le voit. Non, c'est vrai. Alors, je vous ai très très dur. Moi, j'ai trouvé que le spectacle était poétique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mélodie qui en ressort. Et c'est vrai aussi, je trouve que finalement, le spectacle était beaucoup trop fidèle au film. Ils ont voulu garder tous les personnages. Et du coup, c'était un peu compliqué à suivre, je pense, théâtralement. On a choisi quand même un moment de musique que je trouve très beau, et c'est aussi un des plus beaux moments sur scène, c'est lorsque Amélie Poulain comprend qu'elle en pince un peu pour Nino, le vendeur du sex shop, et elle organise un chemin fléché avec des panneaux portés par des habitants, afin que Nino ne puisse retrouver ce qu'il a oublié quelque part dans Paris. C'est un morceau qui s'intitule Blue Arrow Suite, composé par Daniel Messé, et donc interprété par Philippe Assou. 5 p.m. cell, bring 5 francs, 5 PM. Mermaid carousel, bring 5 francs. It's a great cathedral where I've left a trail, but it only goes so far. Here I can keep it moving forward and keep things as they were, halfway to love and just close enough to say. Inside, here in this place, grant me the grace to be amplified. Wait! Stay there! Stay! What? I could stay right here and let it all go wrong. Just stand right here. I mean, what the hell have I been doing all along? Maybe I can try and stay. Just stand right here. Here he comes, screw that, run away. While there's still time left, before the parade passes by. Mrs. Levi, come along. Cornelius is taking us down to see the 14th Street Parade. Everybody will be marching. Why, Irene, you're crying. Oh, Dolly, the world is full of wonderful things. Come with us, Dolly. I will, Irene. I will. Before the parade passes by, I'm gonna go and taste Saturday's high life. Before the parade passes by, I'm gonna get some life back into my life. I'm ready to move out in front. I've had enough of just passing by life with the rest of them. With the best of them, I can hold my head up high. For I've got a goal again, I've got a drive again. I'm gonna feel my heart coming alive again before the parade passes by. Look at that crowd up ahead. Listen and hear that brass harmony growing. Look at that crowd up ahead. Pardon me if my old spirit is showing. All of those lights over there seem to be telling me where I'm going. crash. The sparklers light the sky. I'm gonna raise the roof. I'm gonna carry on. Give me an old trombone. Give me an old baton before the parade. Bette Midler, superstar de Hello Dolly, dans cette reprise à succès de la comédie musicale de Jerry Herman, dont on connaît en France surtout le film avec Barbara Streisand, c'était Before the Parade Passes By, un des spectacles, on peut dire certainement le spectacle qui va remporter ce soir à New York, Elisabeth Vincentelli, le trophée de la meilleure reprise de la saison. On se rappelle, Hello Dolly, c'est l'histoire d'une marieuse qui décide de se marier, cette fois avec le très bon parti qui a fait appel à ses services et est prête à tout pour arriver à ses fins. Dites-moi, c'est quoi cet engouement, Elisabeth Vincentelli, vous qui habitez à New York depuis des années et des années, pour Bette Midler dans cette ville, et pourquoi cet engouement pour elle dans cette production ? Bette Midler, c'est vraiment une icône locale. Elle a commencé sa carrière sur Broadway et off-Broadway à la fin des années 60. Elle était dans Fiddler on the Roof, d'ailleurs. Mais elle a aussi commencé en faisant une série de concerts dans des bains gays qui se trouvaient au sous-sol d'un immeuble du Upper West Side. Et elle a construit une carrière un peu culte comme ça, en mélangeant un côté très grand public, en faisant des films pour Disney, par exemple, dans les années 80, en faisant des concerts, et une irrévérence, un humour que les gens ici adorent. Donc, elle a ses fans sont très nombreux et recouvrent vraiment toutes les générations. Et surtout, ce qu'elle a dans ce spectacle en particulier, moi je l'ai vu deux fois, et à chaque fois je me suis régalée parce qu'elle redéfinit en fait le cabotinage. Alors on dit le cabotinage, bon, quelqu'un va en faire des caisses, en fait c'est très bizarre, elle fait du cabotinage minimaliste. Elle en fait très peu, elle s'économise vraiment. C'est du Jacqueline Maillon ? Il y a le même rapport avec les spectateurs. Il y a vraiment une communication presque télépathique entre Bette Midler et les téléspectateurs, mais tout en fait repose sur une œillade par-ci, un petit roulement d'épaule par-là. Elle comprend vraiment le moment où il faut mettre le turbo ou alors se ralentir un petit peu. Et surtout, alors elle fait aussi quand elle a un trou de mémoire, elle en profite d'une manière incroyablement amusante. Moi, le soir où je l'ai vue, elle a eu une crise de toux avant cette chanson, justement. Before the Parade Passes By, qui est son grand moment de la première partie. Et elle a réussi à retourner un moment qui aurait pu être embarrassant en un triomphe personnel où tous les gens étaient debout. Et moi, c'était vraiment un des grands moments de ma vie au théâtre, où il y avait une communion entre la star et la salle qui est incroyablement rare. Il y a un amour qui passe entre les deux. Enfin bon, là, je deviens vraiment sentimentale, là, mais c'est vrai que Bette Midler veut dire beaucoup dans cette ville. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Elisabeth Vincentelli, ce matin, sur la 42e rue de France Musique, on passe en revue la saison de comédie musicale à Broadway. Et il faut dire qu'il y a une création surprenante. Ça s'appelle Come From Away. C'est écrit par des Canadiens, René Carl Sankoff et David Hein. Et alors, ils n'ont pas écrit, comme ils le disent, une comédie musicale sur la tragédie du 11 septembre, mais plutôt sur le 12 septembre, le jour où le ciel aérien américain fermé a forcé de nombreux avions à atterrir ailleurs, par exemple, sur le petit aéroport de Gander. En Terre-Neuve, avec des milliers de passagers à bord, souvent surpris, et qui vont être pris en charge pendant 5 jours par des habitants dans des villes où il y a quasiment moins d'habitants que de passagers. C'est un spectacle qui, jusqu'à présent, collectionne les prix. Vous me disiez tout à l'heure, hors micro, que ça pourrait bien gagner ce soir le prix de la meilleure création en comédie musicale. Pourquoi cet engouement et puis à quoi ça ressemble sur scène, en fait ? Eh bien, oui, en ce moment, on se demande qui va gagner, si ça va être, ça va se jouer entre Dear Evan Hansen et Come From Away. Alors, Come From Away, c'est la grande surprise de la saison. Personne ne l'avait vu venir, à part les Canadiens. Mais ici, les Canadiens, pour les Américains, c'est un peu comme les Belges et les Français. Hein. Donc, il y a toujours une espèce de sentiment de supériorité mal placé des Américains envers les Canadiens, surtout sur ce qui concerne les comédies musicales. Donc, une comédie musicale sur un sujet dont les New-Yorkais, forcément, sont très proches, je crois que beaucoup de gens redoutaient. Et puis, en fait, c'est un spectacle, on appelle ça un feel-good. C'est un spectacle feel-good. C'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien et heureux. C'est un petit peu comme se plonger dans un bain chaud. Ça ne va rien révolutionner, mais bon. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu, parfois, à la limite de la niaiserie. Parce que tous les personnages sont un petit peu clichés. Ils sont inspirés par des vraies personnes, mais... Oui, les auteurs ont fait un travail de journaliste, hein, presque, recherche. Oui. La partition est très inspirée en Terre-Neuve. Il y a une grosse influence. Il y a beaucoup d'immigrants de celtes, écossais, irlandais. Donc la musique est très influencée par les gigues, les musiques celtes. Donc il y a beaucoup de ça dans la partition. Je ne suis pas trouvée très, très inspirée... Il n'y a aucune chanson vraiment qui est surnage. C'est un petit peu le syndrome Amélie Poulain. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme pour ce spectacle qui marche très, très bien. C'est un petit peu une couverture feel good qu'on met. On se met au chaud, on regarde la télé. Ça casse pas trois pattes à un canard de Terre-Neuve, mais ça marche très, très bien. Alors voici l'un des mouvements les plus émouvants de cette comédie musicale, Come From Away. C'est le solo d'une commandante de bord. C'est la première de l'histoire de l'aviation commerciale américaine. Elle a dû faire atterrir son avion, elle aussi, à Gander avec ses passagers. Et elle se demande en musique comment on en est arrivé là, à ce point où les avions qui l'ont fait vibrer, se sont transformés en armes contre l'humanité. Elle est incarnée par Jane Colella. Must have thought they had a crazy kid, 'cause I was one of those kids who always knew what I wanted. They took me down to the airport to see all the planes depart, and watching them fly, something inside of me was starting. I was 8 when I told them that I'd be a pilot. But I was too young and too short, and there were no female captains. And my dad said, be patient. He said, just see what happens. But I took my first lesson, came down from the sky, and told my father I'd fly for the rest of my life. And I got my first job, flying for a mortician in a tiny bonanza, just a corpse and me. $5 an hour for flying dead bodies. I had to climb over their faces just to get to my seat. Then I applied as a flight engineer, but the World War II complained. They said girls shouldn't be in the cockpit. Hey lady, hey baby, hey, why don't you grab us a drink? And the flight attendants weren't my friends back then. And they said, are you better than us? Do you think? But I kept getting hired. And the World War II crew, they retired. And the girls all thought much higher of me. 1986, the first female American captain in history. Suddenly I'm in the cockpit. Suddenly I've got my wings. Suddenly all of those pilots protesting me. Well, they can get their own drinks. Suddenly there's no one saying stay grounded. On a throne, to have a country I could call my own, and a king who's lusty and requires a fling with a female thing. Great, men will be men. Let me turn on the gas. I caught them in the den with Marvin grabbing Whizzer's ass. Oh, sure, I'm sure he did his best. I mean, he meant to be what he was not. The things he was are things which I forgot. He's a queen, I'm a queen. Where is my crown? I'm breaking down. I'm breaking down. My life is shitty and my kid seems like an idiot to me. I mean, that's sick. I mean, he's great. It's me who is the matter, talking matter, then the maddest tatter. If I repeat one more word, I swear I'll lose my brain. Oh, what else should I explain? Oh, yes, it's true. I can cry on cue, but so can you. I'm breaking down. I'm breaking down, down, down. You ask me, is it fun to cry over nothing? It is. I'm breaking down. Consider what I might do next. I hate admitting I've become perplexed. I'm bereaved. I've cried, I've shook, I've yelled, I've heaved. I have been deceived. As enemies go, Whizzer is not so bad. It's just he's so so damn happy that it makes me so damn mad. I wanna hate him, but I really can't. It's like a nightmare how this all proceeds. I hope that wizard don't fulfill his needs. Don't is wrong, sing along. What was the noun? I'm breaking down, I'm breaking down. I'll soon redecorate these stalls. I'd like some padding on the walls and also pills. I wanna sleep. Sure, things are probably worse, but it's not like I'm some healthy person. I've rethought my talks with Marv, and one fact does emerge. Oh, I think I like his shrink, so that is why I might turn to drink. I'm on the brink of breaking down. I'm breaking down, down, down. I only want to love a man who can love me, or like me, or help me. Marvin was never mine. He took his meetings in the boys' latrine. I used to cry, he'd make a scene. I'd rather die than dry clean Marvin's wedding gown. I'm breaking down, I'm breaking down. It's so upsetting when I found that what's rectangular is round. I mean, it stinks. I mean, he's queer. And me, I'm just a freak who needs it maybe every other week. I've rethought the fun we've had, and one fact does emerge. I've played the foolish clown, the almost virgin who sings this dirge is on the verge of breaking down. I'm breaking down, down, down. The only thing that's breaking up is my family. En duplex de New York avec Elisabeth Vincentelli du New York Times et du Village Voice, on passe en revue cette saison de comédie musicale à Broadway. À l'instant, c'était un moment comique, extrait d'une comédie musicale éphémère. Cette saison, une reprise qui s'appelait The Falsettos de James Lapine, autour d'un homme, son ex-femme qui venait de faire une crise de nerfs à l'instant, son amant gay et son psy. C'était à l'instant I'm Breaking Down, Stephanie G. Block. Autre création cette saison à Broadway. Alors ça, c'est quand même très gonflé. Comment on peut faire, Elisabeth Vincentelli, Guerre et Paix en comédie musicale? Bon, il faut quand même préciser que c'est un chapitre de Guerre et Paix. Ah, c'est oui. Pas tout Guerre et Paix. C'est une toute petite partie de Guerre et Paix qui se concentre sur une histoire d'amour. En fait, donc, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de Napoléon, il n'y a pas tout ça. C'est très gonflé. Ça a commencé off Broadway il y a quelques années dans une petite salle de 80 personnes. Puis après, c'est passé dans une salle un peu plus grande, après une salle un peu plus grande. Et là, maintenant, ils en sont à leur quatrième salle. Ils sont enfin sur Broadway. Ils ont recruté une star de la pop pour chanter un des rôles principaux, c'est Josh Groban, qui a été nominé comme meilleur acteur d'ailleurs. C'est vraiment une histoire incroyable, ce petit spectacle qui vraiment est arrivé au summum de la comédie musicale new-yorkaise avec une musique, 4 ou 5 ans. Une musique qui n'est pas classique, oui. Hein, pour le coup. Hein. Ah, pas du tout, non. C'est une musique souvent électronique. L'orchestre est sur scène. Mais en fait, la scène se mélange presque avec les spectateurs. Les spectateurs sont sur scène aussi. Il n'y a pas du tout de limite entre les spectateurs et les acteurs. On se retrouve parfois avec un acteur qui chante, mais à quelques centimètres de soi. C'est très déconcertant et aussi très émouvant. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai vu 3 ou 4 fois, je crois. Certains acteurs sont avec le spectacle depuis le début. Donc, ils sont vraiment bien rodés. Vraiment très beau, d'une certaine pureté artistique et une ambition. Je crois que Dave Malloy, qui a composé la musique, c'est vraiment un grand espoir pour moi de la comédie musicale américaine. C'est un type vraiment brillant qui a une formation classique et qui a une imagination complètement imprévisible. Et Dave Malloy, on le rencontrera dans 15 jours sur la 42e rue de France Musique, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer à New York. Voici un des moments les plus émouvants de cette comédie musicale, qui s'intitule en anglais The Great Comet, la grande comète, le monologue de Sonia interprété par Brittain Ashford. strange, unnatural state. Don't let her out of my sight. She trails off, stares at nothing, laughs at random, and the letters come. She waits by the window, and I listen at the door, until one day I see by the sad look on her face, there's a dreadful plan in her heart. Is it all on me? Is it all on me? Oh, I will stand in the dark for you. I will hold you back by force. I will stand here right outside. Extrait de The Great Comet, Guerre et paix en comédie musicale, le monologue de Sonia, Sonia Alone, interprété par Brittain Ashford. Elisabeth Vincentelli, vous êtes en duplex de New York avec nous. Vos pronostics, puisqu'on est à H- quelques heures maintenant de la cérémonie des Oscars du théâtre américain, qui va gagner à votre avis ? Mais je pense que pour la meilleure comédie musicale de l'année, je pense que ça va être Dear Evan Hansen, qui a vraiment eu les meilleures critiques de l'année. Pour la meilleure interprétation féminine, je dirais Bette Midler. Masculine, ça va être Ben Platt de Dear Evan Hansen. Pour la reprise, ça sera Hello Dolly. Oui, ça, je crois que je crois que cette année, je suis assez sûre. Je suis assez sûre de moi cette année. Je ne pense pas que Come From Away va arriver à à détrôner Dear Evan Hansen. Merci beaucoup Elisabeth Vincentelli, merci de nous avoir fait vivre toute cette saison de comédie musicale sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. On vous a mis la programmation de l'émission et puis aussi les liens vers les sites de tous les spectacles que nous avons évoqués ce matin, comme ça vous pourrez prolonger votre plaisir en regardant de nombreuses vidéos et bandes annonces. Merci Elisabeth, à très bientôt. Merci. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, en duplex de New York avec Elisabeth Vincentelli dans les studios de la Radio Foundation. Merci à Christelle Vino de Radio France qui a permis ce duplex, à Martine Moni qui m'a aidé à préparer cette émission, à Xavier Atto aux manettes et à la réalisation à Perrine Mingui. On se retrouve dimanche prochain en direct pour un nouveau cabaret 42e rue et une grande chance pour nous de vous faire découvrir une œuvre de Stephen Sondheim jamais montrée en France, Compagnie, en live et en langue française. À ne pas rater, réservation, venez sur maisondelaradio.fr. Je vous souhaite un très bon dimanche. Rideau. Merci d'écouter France Musique. Il est midi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Grant.